Est-ce que t'es déjà allé à Vienne? En Autriche? Non, à côté de Lyon. Ah oui, c'est dans la vallée du Rhône, n'est-ce pas?